C'est la même chose. Amen. We are greeting you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Nous vous saluons tous au nom de Jésus Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie? Vous avez bien chanté. Dites à votre sœur, nous avons bien chanté. Quand les choses deviennent très bien, il faut se glorifier, oui. Il faut que je te couse. Si un homme trouvait l'argent, il se glorifie. Mais la Bible nous dit que celui qui veut se glorifier, nous avons chanté pour le Seigneur. Nous devons nous glorifier. Si tu ne veux pas te glorifier, c'est ton problème. Nous avons bien chanté pour le Seigneur. Nous devons aussi nous glorifier notre Seigneur. Celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. On a peine de glorifier, C'est bien. Quand on chante comme ça, on voit que les gens. Nous voulons remercier le pasteur. Pour nous avoir accordé l'opportunité de venir prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous remercions aussi l'associé. Et toute l'église. Est-ce que vous voulez que j'aille saluer vos frères et sœurs de la Zambie? Je vais aller les saluer. On vous aime beaucoup. Nous saluons aussi les frères qui nous suivent en ligne. Que vous apportez les salutations de notre frère le pasteur Kalele. Au nom de Jésus-Christ. Les frères Rigan. Le frère Rigan Kalala. Et le frère Peter Lunika de Cape Town. Nous a aussi salué au nom de Jésus Christ. Peter Lunika au Cape Town. Le pasteur José de Cape Town aussi vous a salué. Pasteur José au Cape Town. À Kolwezi, à Lubumbashi. Likasi. Luano. Kalukuluku. Tous vous ont salué au nom de Jésus Christ. Bote bari misalimia mujina bwana Yesu Christ. Nous pouvons nous lever pour lire une portion d'écriture. Dans Esther chapitre 6. Mungu ni mwema. Notre Père et notre Dieu. Baba yetu na Mungu wetu. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Car tu nous as donné la vie. Et tu nous as conduit dans ta maison. Nous prions Seigneur que tu puisses nous bénir ce matin. Bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur Ndai. Qui a donné la charge pour cette église. Il m'a reçu ici pour prêcher ta parole. Donne-lui la santé. Umpatie afya njema. Et bénis les spirituels. Na umbariki mkiro. Na mkimwili. Et bénis nos frères et sœurs. Na umbariki banduku na badada. Qui sont membres de cette église. Benye kwa ba member ikanisa. Et qui sont très loin. Na beko mbali. Et qui nous suivent aussi en ligne. Na beko natufuata munjia mtandao. Commence avec nous. Anza pamoja nasi. Et termine avec nous. Na umalize pamoja nasi. Au nom de Jésus Christ. Mujina bwana yetu Yesu Kristo. Ule tunaomba hivi. Amen. Amen. Nous lisons dans Esther chapitre 6. Tu connais somme mon Esther sur la verset 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il est aussi comme folle, mais je ne peux pas. Et ses filles apportaient les livres des annales, les chroniques. Na kalumba bakamletea mabitabu ya mambo. On les lit devant le roi. Bakamsomea mbele ya mfalme. Et l'on trouva écrit que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh. Na bakakuta bashakwanjika se Mardoché akafunuliaka kuhusu Bigan na Teresh. Et les deux eunuques du roi, gardes du Seul. Bale batoa qui avait porté la main sur le roi sur Israël. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu? Il n'a rien reçu, répondu ceux qui servaient le roi. Psaume 124. Psaume 124. Psaume 124. Psaume 124. Psaume 124. Zaburi 122. Les versets 2, 3. Mstari wa 2 na 3. Et les versets 6 à 8. Na mstari wa 6 mpaka ya 8. Psaume 124. Zaburi 122. Nous allons lire le verset 2. Tutasoma mstari wa 2. Et 3. Na 3. 6 à 8. 6 mpaka ku 8. Nous lisons la parole. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livré en poids à leurs dents. Notre âme s'est échappée. Comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Notre secours. Notre secours. Est dans le nom de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez nous entonner les cantiques? Thank you. Amen. Amen. Nous commençons, commençons d'abord avec, j'ai quelque chose à lire ici. C'est concernant quand nous sommes dans la maison de Dieu. Frère Branham dit quelque chose dans le message intitulé Sortir du camp du 64. Au paragraphe 5 et 6. Donc il dit ceci. Je vais me contenter de dire ceci. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je vais me contenter de dire ceci. Mitashimamia tu mkusema hivi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous savez? Munajua. Je ne connais pas de plus grands souhaits qu'on pouvait formuler pour moi. Mishijue tu nia mzuri wanaweza kusema juu yangu. Donc il voit que sur cette terre, anaona sema pa hii dunia, même dans l'église, hata mukanisa, il n'y a pas une autre formule qu'on peut formuler pour lui. Hakuna msemo ni mataza kusema juu yake. Et de dire que Dieu te bénisse. Ishipokuwa tu kusema Mungu akubariki. Voyez, munaona? S'il me bénit, kama ni nibariki, c'est tout ce qu'il faut. Jote kinafai. Rien que ça, paka tu ile. Je trouve que c'est la plus belle parole du système linguistique. Mimi naona sema njoo msemo mzuri ya muruga. De dire que Dieu vous bénisse. Ya kusema Mungu amibariki. Je sais qui le fera aujourd'hui. Mina ajua sema tefanya asubuhi ya leo. Sur cette terre, dunia, même dans l'église, kanisa, il n'y a pas une salutation qui dépasse que Dieu te bénisse. Hakuna salamu ile inapita Mungu akubariki. Est-ce que l'église écoute cela? Eti kanisa kunasha vile. Votre frère, que Dieu te bénisse. Ambia ndugu yako asema Mungu akubariki. C'est ça. Njoo ile. La salutation dans la maison de Dieu, c'est une bénédiction. Salamu mnyumba ya Mungu ni baraka. Qui croit cela? Nani anaamini hili? Qui croit cela? Nani anaamini hili? Quand on se rencontre, wakati tunakutana, une salutation n'est pas un slogan. Salamu wana tu msemu bule. Pour les gens du monde, via batu wa mudunia, la salutation c'est un slogan. Salamu, mais pour un enfant de Dieu, Mungu, la salutation c'est une partie de la parole. Salimia Mungu ni sehemu ya neno. Quand on se rencontre, wakati unakutana, ce n'est pas un slogan. On se salue que Dieu te bénisse. Tu sais, tu Mungu akubariki. Et c'est la réalité, Dieu est béni. Ni bien kweli Mungu akubariki. Dieu béni. Mungu akubariki. Quand vous vous rencontrez, wakati et unakutana, cela vient d'un cœur pur. Na ile natoka moyo safi. On se salue sans hypocrisie. Tu unalomkiana bila unafiki. C'est une bénédiction. Ni baraka. C'est une bénédiction, frère. Ni baraka nduku. Même regardez même à Marie. Angalia ta kumari. Marie avait visité Elisabeth. Marie elle la Bible dit l'enfant qui était dans le ventre Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Elisabeth ne bougeait pas. Et quand Marie a visité Elisabeth, quand elle a salué seulement Elisabeth elle-même témoigne Elisabeth elle-même anashuhudia que Marie est vraiment bénie quand j'ai entendu seulement ta salutation l'enfant qui ne bougeait pas dans mon ventre l'enfant est saillé de joie. Ce n'était pas la prédication, ce n'était pas la prière, c'était une simple salutation. Alors une simple salutation dans la maison de Dieu ou ailleurs qui vient d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Il a quoi ni baraka? C'est une bénédiction. Ni baraka. C'est une consolation. Ni faraja. Hein, c'est ça. Nanjoin. Je lis pour commencer dans 2 Corinthiens chapitre 1. Ni una soma njoa kwanza mwa Korinto wa pili sura ya 2 Corinthiens chapitre 1. Korinto wa pili sura ya 1. Paul dit ceci. Paul anasema hivi. Paul. Paul. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mutume wa Yesu Kristo kupitia mapenzi ya Mungu. Et le frère Timothée. Na ndugu Timothée. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Aujourd'hui nous ne sommes pas à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Cambor. Et à tous les saints qui sont à Cambor. Et à tous les saints qui sont à Cambor. À l'église de Cambor. Et à tous les saints qui sont à Cambor. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Loué soit Dieu. Abarikiwe Mungu wetu. Le Père de Baba, notre Seigneur Jésus-Christ. Wa Bwana wetu Yesu Kristo. Comment est-ce que tu as traduit ça? Asifiwe Mungu wetu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pas abarikiwe. Tu ne peux pas bénir Dieu. C'est une erreur de on a traduit romain. Mais quand vous lisez la Bible originaire, puisqu'un homme ne peut pas bénir Dieu, c'est Dieu qui nous bénit. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. La Bible dit clairement que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Nous n'avons rien à bénir Dieu. Nous louons Dieu pour ce qui nous bénit. C'est ça. Jovi. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde. Et le Dieu de toute consolation. Dieu console. Tout le monde. A un problème. Tout le monde. Muntu wote kuna mambo. Même nous autres. Attaché benye wapa. Même là où tu es. Ata pole wiku. Tu as une blessure. Huku na maumivu na kilonda. Tu as besoin que Dieu te console. Na huku na itaji Mungu akufariji. Et c'est pourquoi il a bien commencé Paul. Na kwa maana Paul alianza. Il montre d'abord, il dit Paul apôtre de Jésus. Anaonyesha kuanza kwa kusema Paul. La volonté de Dieu. Pitia mapenzi ya Mungu. Tout ce que nous sommes. Kile kyote tuko. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Anakupitia mapenzi ya Mungu. C'est par la volonté de Dieu. Ni kupitia mapenzi ya Mungu. Tout ce que nous avons, ce n'est pas ta volonté. Si tu as même une maison, ce n'est pas par ta volonté. Mais c'est la volonté de Dieu. Si tu as un mariage, ce n'est pas par ta volonté. C'est la volonté de Dieu. Si tu es sauvé, ce n'est pas toi qui as fait une demande pour être sauvé, mais c'est par la volonté de Dieu. Si tu es ancien, ce n'est pas par la volonté de l'Église. Si tu es par la volonté de Dieu, ce n'est pas par la volonté de Dieu. Il a pris à Dieu que il mupendeza Mungu pate kuyamuzi. Si vous êtes diacre, kama kushemashi, ce n'est pas par la volonté de l'Église. Anakupitia mapenzi ya kanisa. Ce n'est pas par la volonté de l'Église. Anakupitia mapenzi. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Donc tout ce que nous sommes dans l'Église, nous sommes kile kyote tuko mkanisa. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Anakupitia mapenzi ya Mungu. Mais c'est la volonté de Dieu. Lakini mapenzi ya Mungu. Même si nous sommes membres de cette église. Hata tukwa memba hii kanisa. Qu'est-ce que tu as fait pour être membre de cette église? Ulifanya nini ndio upate kuwa memba hii kanisa? Hakuna. Si tu es ici, c'est par la volonté de Dieu. Si tu es en vie, ce n'est pas par ta volonté. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien que nous avons fait pour être vivants aujourd'hui. Est-ce que l'église écoute cela? Est-ce que l'église écoute cela? Il n'y a rien, ce n'est pas toi qui as décidé, toi d'être vivant aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu seulement. Dieu t'a accordé cette grâce. Puisque si un homme a un programme avec Dieu, il n'y a rien qui peut l'arriver. Amen. C'est la vérité. Ni bien quoi. Tu peux même faire l'accident. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu peux même te blesser. Tu ne peux pas mourir. Si Dieu a un programme avec un homme, Dieu ne peut pas lui arriver. Jamais. C'est pourquoi notre vie est par Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant, sas. Mes frères, banduku yangu. Nous parlons sur un sujet intitulé comment l'homme de bien trouve ou sature la faveur de Dieu. J'ai muntu mwema eko na jivutia. Et nous avons introduit depuis mardi par l'écriture Proverbe chapitre 12, le verset 2. Là on parle que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui est plein de malice. Dieu n'aime pas les gens qui sont remplis de malice. Dieu aime les gens de bien. Mungu anapendaka batu bema. Et ce sont les gens de bien nani batu bema qui s'attirent la faveur de Dieu. Bale unajifutia faida ya mwamileni. Et nous avons montré qu'il faut vraiment éviter d'être un homme ou une femme de malice dans l'église. Il n'a pas kuepuka kuya muntu au mwanamke wa kujana bujanja mkanisa ya Mungu ikwai. Il n'y a aucune chose qui est cachée devant les yeux. Hakuna kitu kinye kufichama kwa macho ya Mungu. Même toi. Hata wewe. Là où tu es assis. Pale ushakuikala. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Mungu anajua tabu ya nywele yako. Dieu connaît même le nombre de tes jours sur cette terre. Mungu anajua tamaa siku yako pa hii dunia. Donc l'homme n'est pas caché devant Dieu. Mungu ana mwenye kuficha mbele ya Mungu. Et nous avons vu comment un homme plein de malice se comporte. Tuliona mtu mwenye ujana mjanja aende jokoni. Un homme de malice c'est un homme méchant. Mtu mjanja ni mtu mbaya. Et la Bible dit cet homme n'a jamais été sauvé. Na Mungu anasema Biblia inasema huyu mtu hayaokolewa kaka. Un homme de malice n'a jamais été sauvé. Mtu mjanja hayaokolewa kaka. Je répète. On n'a pas compris. Un homme de malice n'a jamais été sauvé. Mtu mjanja hayaokolewa kaka. Jamais. Kamwe. Si vous voyez un homme de malice dans l'église, comme on a un mujanja mukanisa, sachez, priez pour lui. Mombe tu, pour que Dieu fasse grâce pour lui. Je m'ouvre mon fichier Emma. Si nous sommes ici, donc comment tu crois? Il y a un objectif. Kuko kifukuzio. Ça, ce n'est pas un rassemblement des gens. Iya na mukusanyiko ya batu. Ça, c'est un rassemblement des élus. Iya na mukusanyiko ya bateule. Ça, c'est une église du Dieu vivant. Ini kanisa ya Mungu mwenye kuhai. On ne peut pas laisser le monde pour être venir ici et commencer à jouer. Hatuwezi kuacha dunia na kuya hapa yanze kufanya michezo. No et non et non. Hapana, hapana si na hapana. Nous sommes ici. Kama tuko hapa. Nous sommes ici pour nous préparer. Tuko hapa njoo kujitayarisha. Il y a le jour qui vient là-bas. Juku kushiku na kuya kule. Jésus-Christ vient prendre son repos. Yesu anakubeba bila kusubiri. Et nous voulons être parmi ce nombre-là. Na tunapenda tuko katika. Et cela doit être notre souhait. Na ile napasha kuya nia yetu. Qui souhaite être parmi ce groupe ce jour-là? Nataka kuya katika tena. Je ne bénis pas ça. Mungu akubariki. Maintenant, nous avons commencé à voir cet homme qu'on appelle Aman. Tulianza kuona ule mtu wanaita Aman. Aman est un homme méchant. Aman alikuwa ni mtu mbaya. Abo ki aise les Juifs. Kwanza kwasha kuchukia Bayuda. Et surtout Mardoché. Na zaidi Mardoché. La Bible dans Deutéronome chapitre 30 verset 7. Biblia mkumbukumbu la Torati makumi tatu mstari wa 7 nasema hivi. Dieu a dit ceci. Mungu alisema hivi. Je ferai tomber le malédiction sur tes ennemis qui t'haïront et qui vont te persécuter. Mita mwanga wa laana yule abadui yako watakuteswa watakuangalia. Et cette promesse reste valable même à l'église épouse aujourd'hui. Na hii malako na wakia iko wako fika na kanisa ya bibi harusi ya leo. Si tu es ou tu persécutes un enfant de Dieu, il sera un ennemi de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut le respecter partout. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah. Si tu veux des ennuis avec Dieu, commence à haïr les enfants de Dieu. Anza tu kuchukia watoto ya Mungu. Ou commence à persécuter les enfants de Dieu. Ah, anza tu kuteswa watoto ya Mungu. Les enfants de Dieu sont la propriété de Dieu lui-même. Watoto ya Mungu ni mali ya Mungu yeye mwenyewe. L'église, kanisa, c'est une propriété de Dieu lui-même. Ni mali ya Mungu yeye mwenyewe. Et nous sommes la propriété de Dieu. Na sisi tuko mali ya Mungu. Et c'est lui qui nous combat. Na ule unatukombanisha. Il combat contre Dieu. Yeye kuna mkombanisha Mungu. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Na njoo kama tuko bila oga. Quand la guerre s'élève contre nous, wakati vite na lamuka kwetu, on remet seulement cette affaire à Dieu lui-même. Tunamwacha tu le mambo Mungu yeye mwenyewe. Dieu s'occupe de nous. Na Mungu yeye mwenyewe anatuangaikia. C'est pas nous qui combattons. Ana chetu tunakombana. Dieu lui-même qui combat pour nous. Ni Mungu anatukombania. C'est ça. Joy. Et cet homme ici na huyu mtu avait engagé la guerre contre les Juifs. Alikuwa sasa kuanza mvita ku Bayuda. Ce qui est faux. Ile nyikuwa ya mubaya. Frère. Duku. La Bible dit, les prophètes disent ceci. Nambia nasema hivi. Que la haine dans l'église c'est un cancer. Lakini chuki mu kanisa inakuwa ni kansa. Aujourd'hui beaucoup d'églises dans le message. Leo makanisa mingi mujumbe. N'est pas en action à cause des comportements de malice dans l'église. Rom takatifu ana mutendo juu ya hali mubaya ya kunasaga. Le Saint-Esprit est attristé, est attristé surtout avec les comportements de l'église. Rome takatifu nazunika na mwenendo ya kanisa na tulionyesha de l'église, c'est les comportements, les caractères des gens dans cette église. Uzuri ya kanisa ni ile tabia ya bale bantu mkanisa. C'est ce qui fait la beauté de l'église. Cela veut dire que si vous voulez voir le Saint-Esprit est en action, la beauté c'est quand le Saint-Esprit est en action. Quand l'église, quand le Saint-Esprit n'est pas en action à l'église, il faut vraiment prêcher contre les malices dans l'église. Il n'a pas écouté kupinganisha bujanja mukanisa. Eh, aujourd'hui nous avons beaucoup de malices, beaucoup de gens. Les bantu ba mingi bejana bujanja. Mukanisa ya Mungu yekwai. Le propriétaire de l'église prendra soin de son mwenye église. Mwenye kanisa atabe atangatia kanisa yake. C'est la vérité. Ni bien kweli. Quand vous entrez dans l'église, wakati unaingia mukanisa, avec les malices na bujanja, Dieu lui-même prendra soin de ça. Mungu yeye mwenye atangakia hiyo. Et la Bible dit, na Biblia inasema, aucun péché ne restera impie. Hakuna ta dhambi moja tabakia bila kulipa. Avant de mourir, tu dois premièrement payer pour ce que tu as fait. Mbele ya kufa utalipa bila kulipa. Et là-bas aussi tu payes. Na kule ngambo unataka. D'abord dans cette vie tu dois payer. Sasa mwi maisha mbele unapata kulipa. Et cet homme ici, na huyu mtu huyu, Mardoché avait haï vraiment. Mardoché barumchukia sana kwa ule mtu. Et il avait même influencé le roi. Aliweza atakusukuma mfalme. Pour qu'on écrive un édit de tuer tous les juifs. Je wapate kwa njika barua mwa kuua baliza bote. Et on avait écrit cela. Na bari njika kaili. Et nous avons dit que, na tulisema hivi, tu peux influencer les gens à haïr une sœur ou un frère. Unaweza kuchonganisha watu wachukie nduka au dada. Mais tu ne peux pas influencer Dieu à de la haïr. Lakini hauwezi kuchonganisha Mungu apate kubachukia. Est-ce que vous entendez cela? Et tu mashia ile. Tu peux haïr ta sœur. Unaweza kuchukia dada yako. Tu ne peux pas lever la grâce de Dieu sur elle. Lakini hauwezi kuondosha neema ya Mungu juu yake. Jamais. Kamwe kamwe. Jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Tu peux haïr ton frère. Mais tu ne peux pas lever la grâce de Dieu. Lakini hauwezi kuondosha neema ya Mungu yule yake. Jamais. Kamwe. Tu peux même influencer. Unaweza hata kuchonganisha. Les gens de la haïr. Batu wapate kumchukia. Les gens de les rejeter. Batu wapate kumkataa. Mais tu ne peux pas influencer Dieu de les rejeter. Lakini hauwezi kumchonganisha Mungu apate kumtukata. N'est pas influencé par la haine. Mungu hauwezi kumchonganisha kupitia chuki. Dieu est influencé uniquement par sa parole. Mungu beko na chonganisha eko na sio kwa neno lake. Influencer Dieu. Kama unapenda kuchonganisha Mungu, obeya sa parole. Si kwa neno yake. Si va influencer Dieu. Utaweza kumvuta Mungu. Dieu lia sa parole. Juu Mungu akumwii kuambatana na neno lake. Et cet homme ici avait influencé les gens. Na huyu mtu aliweza kumchonganisha mfalme. On a écrit les redits. Bariandikaka barua. Pour tuer les juifs. Jua kuwa bayuda bote. Et cette lettre est tombée partout on a publié. Cette lettre est tombée dans les mains de Mardoché. Sasa imukande ya mtiaka mikono ya Mardoché. Mardoché était garde. Mardoché alikuwa yuko na chunga. Et Mardoché était celui qui gardait Esther. Ni ule alikuwa anasaidia ule anamchunga Esther. Ou bien Adassa. Adassa. Esther. Esther était gardé par Mardoché. Alikuwa mwenye kuchungiwa na mkikungwa na Mardoché. Et Mardoché était là-bas comme garde. Na Mardoché alikuwa kule sa mchungaji. Et Mardoché et tout Israël et les Juifs étaient tous dans la terre. Mardoché na Bayuda bote walikuwa nchi ya kigeni. Et les Juifs étaient donc là-bas. Na mkono wale wakati alikuwa ni Assyris. Et vous avez l'histoire. Na mkono na comment Esther est parvenue de devenir maintenant la reine. Vile Esther fika mkufikia mlikia. C'était seulement la grâce de Dieu. Il est quoi tu ni neema ya Mungu. Dieu est capable. Mungu anaweza de prendre kubeba un homme négligé. Mtu basha kusukula. Et de le mettre là-bas. Kumweka yule. C'est Dieu qui bénit. Ni Mungu je kuna bariki. C'est Dieu qui enrichit. Ni Mungu je kuna tajirisha. C'est pourquoi ne négligez personne dans cette vie. Joko mwana mushi sule mtu atamua mwidu. La vie de l'homme est dirigée par Dieu lui-même. Maisha ya mtu kunaongozewa na Mungu yeye mwenyewe. Si aujourd'hui tu es béni. Kama leo unabarikiwa. Loue seulement Dieu. Usifu tu Bwana. Ce que Dieu a fait pour toi. Kile Mungu alikufanyishia. Il peut le faire pour les autres. Anaweza kuifanyisha bengine. Et Dieu est capable na Mungu anaweza de changer la vie de l'homme dans une seconde. Kubadilisha maisha ya mtu mudakika tu moyo. C'est vrai frère. Ni bien kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ni bien kweli dada. Dieu est capable de changer ta vie dans une seconde. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako dakika tu moja. Tu peux être malade. Unaweza kuwa mgonjwa. Dieu peut te guérir dans une seconde. Mungu anaweza kukuponya dakika tu moja. Il peut changer ta vie dans une seconde. Anaweza kubadilisha maisha yako dakika tu moja. Il peut te guérir dans une seconde. Anaweza kukuponya dakika moja. Tu peux être infirme, frère. Unaweza kuwa kipekilema. Quand le temps de Dieu arrive, na wakati wa Mungu dans une seconde, tu peux changer. Mudajika tu mwona badiriki. Christ que Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la vie. Mungu ni musada ikosake mwakati ya tabu. C'est vrai. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre. Lakini wamele na bakumbuaka kila wakati. Dieu est terrible de changer la vie. Mungu anaweza kubadilisha maisha. Il avait changé la vie de Mardoché. Alibadilishaka maisha ya Mardoché. Frère. Nduku. Nous avons dit dans cette Bible. Turiona mwi Biblia. Il n'y a personne qui a mis sa confiance en Dieu dans cette Bible. Akuna qui a tenu pas à la honte. Alikuwa matumaini yake ndani ya Mungu. Jamais. Alifikia mwaya hakuna. Kamwe. Jamais. Kamwe. Dans cette Bible ici. Mwi Biblia. Tous ceux qui se sont confiés en l'Éternel. Bale bote walitumania mwa ndani ya Mungu. Ils ont fini par la gloire. Barifikia paka mutukufu. Ils ont fini par la victoire. Barifikia paka mushindi. Confiez-vous à l'Éternel. Mutumainie ndani ya milele. Na mufanye bibi. Mende l'Éternel te délivre. Ufanye milele kizuri kila kitu. Atakupatia kile unachokuwa unahitaji. Dans cette Bible ici. Mwi Biblia. Il n'y avait personne. Akukua ke Mungu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Akukaka matumaini yake ndani ya Mungu. Na rishikata mwaya anako. Un homme peut te décevoir. Muntu ataweza kukosea. C'est un homme. Ni muntu. Mais pas. Apana Mungu. Nduku. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Mungu tukunabudu ni Mungu mwenye kuwa mzima. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Mungu tukunabudu ni Mungu mwenye kuwa hai. Il voit toutes les actions que nous posons. Aeko naona matendo yote tukunatenda pa hii dunia. Cet homme ici. Huyu muntu huyu Mardoché, il avait révélé. Arifunulaka. Un complot. Na mambo moyo alikuwa anapinga bana na tipaka ah Teresh et Bictan qui avait comploté Teresh et Bictan avait comploté Teresh et Bictan barko washa kutengeneza hata kama nosete la barko washa kumkimona amani lakini bale bawili ils étaient à trois barko batatu barko batatu ils étaient trois barko njo batatu ils étaient des bons amis. Maintenant les deux ici, Teresh et Bictan. Ça c'est Teresh na Bictan. Ils avaient comploté contre les rois. Baritunga kama mpango moja kwa mfalme. Même si vous vous complotez comme un enfant de Dieu. Atambo anakutunia mpango sera sans effet. Itakuwa bila matokeo. Il y a un Dieu qui voit toutes les actions. Juku kwa Mungu anaona matendo yote. Il voulait tuer les rois. Baripendaka kuwa mfalme. Mais Mardoché avait révélé. Mardoché alivumbulaka. Et il est allé dire au roi, a vérifié cette affaire, on a trouvé que c'est vrai. Mufalme arangale ile mambo aruna seni ya kweli. On a tué. Barimuaka. On a tué les deux. Baribawaka bale bawili. Maintenant. Sas. On avait écrit dans les livres. Bariandikaka mukitabu. Des annales. Ya ukumbusho we. On a écrit là-bas. Bariandikaka kule. Mardoché. Mardoché avait révélé Arifunuaka. Mais il y a un temps. Lakini kuku wakati moi. Tout ce que vous faites dans l'église. Ile yote kunafanya mkanisa. Pour l'avancement du royaume. Juu ya maendeleo ya ufalme. Même si nous les hommes. Attaché bat. On n'apprécie pas. Atuifurahikie. Dieu au ciel voit toute action. Mungu anaona matendo yote. Si vraiment on est convenable. Achika wakati nayo fa Mungu atakulipa. Tout ce que nous faisons sur cette ville terre. Bile tunafanya pa iduni. Avant de quitter cette ville. Mbele ya chef kutoka iduni. Mwimwi. Dieu va te récompenser d'abord. Mungu atakulipa kwanza kwanza. Kikuwaka Dieu récompense. Nani anamia sema Mungu anadilipa? Kikuwaka Dieu récompense. Nani anamia sema Mungu anadilipa? Tout ce que tu es en train de faire. Duku leo tokafanya. Tous les enfants de Dieu. Wewe ndiko ni watoto wa Mungu. Shiku moyo. Dieu va te souvenir de toi. Mungu atakukumbuka. Il y a un livre. Kuko kitabu moya. Des souvenirs. Kya ukumbusho. Dieu ne peut pas oublier. Mungu hawezi kusahau. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi pour oublier. Mungu ashina mtu sawa wewe na mimi ndio kusahau. Matendo ile kunafanya njoo ya kazi yake. Bile bintu ndio biko natushimamia. Toutes ces choses c'est celle que nous aimons. Parfois vous dites que non. baba ba pantekoti so ba pantekoti mari ngine mnasemaka wa kipente ni makuta ya dawa kwa kala kama barikiwa cela l'argent de fétiche il n'y a pas l'argent de fétiche c'est Dieu qui bénit faut comprendre ça Mungu anabariki inafai kuelewa ile mzuri il faut comprendre que c'est Dieu qui bénit inafai kuelewa sema ni Mungu je anabariki oh eko na makuta ya dawa oh il a l'argent de fétiche non hapana Dieu ni Mungu Dieu est souverain de faire tout ce qu'il veut Mungu je anamamlaka unafanya bila vyote anataka Dieu Jovin il y a les gens qui ont étudié. Ils n'ont pas de bon travail. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien étudié. Peut-être il est arrivé seulement en cinquième. Mais il a un bon travail. C'est la souveraineté de Dieu. Oh, t'as convenable, il doit aussi te visiter. C'est vrai. Et quand vous lisez dans Malachi, na wakati mnasoma Malakia, disons d'abord Malachi. Vous sommez Malachia. Il y a les gens peut-être parfois qui se plaignent. Écoutez, Malachi chapitre 3. Le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Frère, ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que l'église écoute cela? On ne sert pas Dieu en vain. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, pour les enfants de Dieu, vraiment un jour Dieu, c'est vrai. C'est la vérité. Qu'avons-nous gagné à observer ces principes? Tu n'as pas ta monini, mon combo, pas mon. Qu'avons-nous réussi en craignant Dieu? Et à marcher avec tristesse. Na mkutembea na uzuni. À cause de l'éternel des armées. Maintenant, sans. Nous estimons errer des auteurs. Tunaliwaza wewe ni kwa bakiburi? Oui, les méchants prospèrent. Batu babaye kunaendelea ndio. Oui, il tente Dieu, il le sait. Dieu veut qu'on ajaribu Mungu na anaepuka. Il ne faut jamais comparer votre foi à une autre foi. Kulinganisha imani yako na imani nyingine. Est-ce que l'église écoute cela? Eti kanisa nashikia ile? Ne vous comparez pas, vous êtes spécial tel que vous êtes. Hapana kujilinganisha huko wa kipekee paka vile wewe. Oh, tel serfesa. Hakuna toa ndada nafanya kama vile mita fanya. On n'est pas ici pour se comparer. Hatuna hapa njo kuangaliana. Aucune sœur, aucun frère dans les villes n'est pas notre exemple. Notre exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fano yetu ni bwana wetu Yesu Kristo. Jamais. Kamwe. Dans l'église, on se compare. Mukanisa tukaike tunajilinganisha. Oh, parce que ule dada na fala kabile, hakuna kile bana mufanya kama hivi. Inyari yako. Dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas de comparaison. Ya Mungu aliye hai hamuna kulinganishana. C'est pourquoi dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas la compétition. Hamuna kubechana. Dans l'église de Dieu vivant, Mukanisa Mungu wetu hai. Si je n'aime pas. Atani kikombe kimoe. Si je crains Dieu. Ile na nyenea wakati naogopa. Yesu anokipera direct. Mungu atang un jour, il se souviendra de moi. Puisque c'est un Dieu de toute consolation. C'est un Dieu de toute consolation. Dieu console. Dans le temps de Dieu arrive pour te consoler. Tu seras surpris même toi-même. Même toi-même, tu peux t'étonner. Dieu fait des merveilles que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il compère. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui se parlaient ici, ce ne sont pas les païens. C'était les gens qui craignaient l'Éternel. Ils se plaignaient. Dans les affaires de... Depuis qu'on craignait Dieu. Depuis que tu l'as soutenu Mungu. Depuis qu'on soutenait Dieu. Tu l'as soutenu l'œuvre. Depuis qu'on soutenait son œuvre. À quoi est-ce que tu m'as parti? Il n'y a rien que nous avons reçu. Mais nous voyons seulement les auteurs. Bantu ba kiburi. C'est rien qui prospère. Mais si tu nous as donné. Mais nous on ne gagne rien. Frère, le temps de Dieu est le meilleur. Duku wakati ya Mungu jwenye kwa. Attendez seulement. Mchunge tu. L'Éternel fit attentif et il écouta. Wagamile katika sikio na kashikia. Un livre de souvenirs si écrit devant lui tous ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ah. Vous Voilà les deux choses. Joe bile bitu biwili qui a-tu vuta la faveur de Dieu faida ya mungu sur l'homme yulu ya mungu kama mungu konongo pada si il marche dans la crainte de Dieu konatembea muoga ya mungu et il serve Dieu avec tout son cœur na konatumikia mungu na moyo wake wote. Quand c'est vous qui balayez ici, dans l'église, faites-le avec tout votre cœur. Quand vous chantez, faites-le avec tout votre cœur. Pas par contrainte, non. Tout ce que vous êtes en train de faire dans l'église, faites-le dans la joie. Avec tout votre cœur, le Dieu Tout-Puissant se souviendra de vous un jour. C'est vrai. Quand même tu soutiens l'œuvre de Dieu. Attends qu'on a, c'est-à-dire quasi à mon. Faites-le avec tout votre cœur. Oui, fanye na moyo wako. Il ne faut pas se plaindre. Apana kuanza kuzunika kunungunika. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Mtoto wa Mungu ashunungunikaje? Jamais. Kamwe. Jamais frère. Kamwe ndugu. Jamais mon frère. Kamwe ndugu yangu. Quand je fais l'œuvre de Dieu. Wakati nafanya kazi ya Mungu. Je le fais avec toute joie, avec tout mon cœur. Niko naifanya na moyo wangu wote na furaha yangu. C'est lui qui m'a appelé, ce n'est pas elle. Mina jwasema ularinita na Mungu. C'est lui qui m'a appelé, ce Dieu. Ularinita ni Mungu yeye mwenyewe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na ni ule konalipa wale wako namtafuta. C'est vrai. Ni kweli. Ils seront à moi, tu les tenais des armées. Matakuya kwangu, wamile wamejesha na tenu. Ima pasendo. Matakuya bangu. Au jour que je prépare. Mushiku le misha kutengenez. J'aurai compassion d'eux. Mita kwa na wema kwa abo. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Kwa wakile muntu yako na wema na mtoto yake wana mtumichie. Et vous verrez. Na mtu yaona mara ya mpya. Vous voulez voir. Encore de nouveau. Bintu vya sasa. Et vous verrez de nouveau la différence. Mutaona sasa wachanishu. Qui veut voir la différence? Nana penda kuona wachanisho. Qui veut voir la différence? Nana penda kuona wachanisho. Et vous verrez de nouveau. Na mutaona mara ya la différence. Wachanisho. Entre le juste et le méchant. Katikati ya mwenye haki na mtu mubaya. Vous verrez de nouveau. Mutaona mara nyingine. La différence. Wachanisho. Entre. Katikati. Un homme de bien. Mtu mwema. Un homme plein de malice. Na mtu mwenye kujana buchanja. Je dois mettre maintenant la différence. Mungu anapasha kuweka sasa wachanisho. Frère, Duku, Dieu est un Dieu juste. Mungu ni Mungu mwachi. Dieu est un Dieu juste. Mungu ni Mungu mwenye haki. C'est vrai. Entre celui qui sert Dieu. Katikati yule anatumikia Mungu. Et celui qui ne le sert pas. Na katikati yule ashimtumikie. Vous verrez de nouveau la différence. Mutaona sasa wachanisho. Le temps vient où vous verrez la différence. Duku, wakati kuna kuya. Enfant de Dieu. Wakati et le méchant. Wachanisho katikati ya watoto ya Mungu ya kweli na watu wabaya. Dieu n'est pas un homme pour demander pardon à tout ce qu'il a, qu'il a promis. Dieu est fidèle à ses promesses. Quand Dieu promet, sûrement Dieu va l'accomplir. Tu ne peux pas poser un acte bon sur cette terre et laisser sans être payé. Tu ne peux pas poser un acte bon sur cette terre. Un jour, Pierre avait prêté le pirogue à Jésus. Tu ne peux pas prêter un acte bon sur cette terre. Il dit, Pierre, c'est ma pète. Est-ce que je peux utiliser ces bateaux pour prêcher la parole? Frère, écoutez la réponse de Pierre. Qu'est-ce qui empêcherait? Un enfant de Dieu, quand on lui demande un service, dans l'église, il ne se plaint pas. Il ne se plaint jamais. Il ne se plaint jamais. Écoutez la réponse de Pierre. Qu'est-ce qui empêcherait? Il n'y a rien qui peut empêcher à un enfant de Dieu de faire un service à Dieu. Jamais. Et le Seigneur avait utilisé sa pirogue. Na bwana alitumia ile mtumbu yake. Comme c'est Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Vile Mungu na Mungu ashukuru. Nous sommes des ingrats. Wewe na mie tuko kwa kwa jamais des ingrats. Quand tu rends un véritable service à Dieu, Dieu doit te récompenser. Unapasha kulipa. C'est ça. Joil. Et il a terminé. Na alimaliza. Mais Dieu connaît nos désirs, n'est-ce pas? Ça, ça, Mungu anayua Dieu connaît nos désirs, n'est-ce pas? Mungu anayua mahitaji yetu. Dieu connaît nos désirs. Mungu anajua mahitaji yetu. C'est pas Pierre qui avait demandé à Jésus. Ana Petro alombaka kwa Yesu. Jésus a dit le désir qui était en Pierre. Yes, on a tout dit. Il a dit Pierre assis là-bas dans la détresse. Alors on a qu'à peut-être chercher la parole mouolé, tabou. Dans le cœur, Pierre n'avait pas attrapé, il se disait. Peut-être chercher comme il couloba, alors qu'on a sème. Léo, tu t'es d'accord à Dieu. Aujourd'hui, on mangera comment? À tout bas, mais ça marche. On n'a pas attrapé les poissons. Frère, Dieu connaît même nos désirs. Mungu anajua tamania yetu, mahitaji yetu. Pourquoi il est dit Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans les détresses. Ndio iko nasemewa Mungu ni msaada iko sekwa wakati atabu. Tu obéis à la parole. Kama unatii kuneno. Tu es capable de commencer à te soupirer partout. Mungu anaweza kufuata fwasho yote wiko. Et de te donner tous les désirs. Na kupatia bile vyote unavyohitaji ya moyo wako. Et Pierre, na Petro, a dit Seigneur. Elle s'est ma boine. Jésus a dit, jette tes filets. Yes, elle s'est ma tout pas maquille. Et Pierre a dit non. Mais tu as ma panne. J'ai travaillé toute la nuit. Mais tu m'as aussi que tu m'as dit. Oui. Dio. Même toi. Attaoué. Tu as essayé. Oui, chaque pima. Tu as échoué. Ou chaque chine. Maintenant, c'est le tour de Jésus. Ça, ça nous a quatre failles. Laissez Jésus-Christ aussi. Watch it, ça y est, sous naïe. Père, si on peut l'avoir échoué. Comment on a été échoué? Jésus n'a jamais échoué. Yes, toi, chinois, kakamoué. Et s'il vient sur le terrain. Comment on a pu la situation doit changer. Maman, on n'a pas chaque badilique. Eh, Pierre a dit non, Seigneur. N'a peut-être laissé ma panne à boire, non. J'ai essayé. Miri pima. Frère. Quand Jésus était à Pierre, avec Pierre. Quand Pierre essayait de convaincre Jésus, Petro, pima, il n'y avait rien de poisson là. Jésus yes. suscitait la foi en Pierre. Quand Pierre est omniprésent. Il est partout. Jésus est descendu dans la mer. Yes, or, Shugambari. Il commençait à rassembler les poissons. Allez. Aujourd'hui, Pierre, Léo Petro, Dieu est capable de tout faire. Il a la puissance de créer. Il a la puissance de guérir. Et quand Jésus a suscité la foi de Pierre, wakati Yesu alamusha imani ya Petro, écoutez la réponse de Pierre. Mushikie jibu ya Petro. Seigneur, bwana, les choses sont difficiles. Bantu veko ba nguvu. Mais sur tes paroles. Ya yule masemo yako. Ta parole. Yule aneno yako. Frère, la foi imani est ancrée sur les promesses de Dieu. Iko yekutiwa nanga mui mawalako ya Mungu. Et les prophètes viennent là-bas, ils disent. Na bien nakuya pana sema. Il faut prendre Dieu au mot. Il a fallu kumbamba Mungu misemo yake. Prenez Dieu au mot. Bambeni Mungu misemo yake. Donc saisir Dieu à ses promesses. Ni kusema kubamba Mungu mawalako yake. Yeye ndiye atisa. Mungu ni wewe sema hii. Ni wewe sema hii. Ni wewe sema hii. Yeye capable d'accomplir tout ça. Na Mungu anaweza kutimiza bila vyote. C'est la vérité. Ni kweli. Et Pierre a jeté. Na Petro a tout pas maquille. Puisqu'il a jeté sur promesse. Juari tout pas Yulia Mala. Car Jésus a parlé. Juari. Quand la parole dit. Wakati nene unasema. Ne vous entendez. Il ne faut pas vous entêter. Apana kufanya kichwa nguvu. Obéissez seulement. Weti tu. Et Dieu fera le reste. Na Mungu atafanya nena baki. La fin de l'accomplissement, ce n'est pas notre affaire. Mambo ya kutimilika na mambo yetu. C'est l'affaire de Dieu. Mambo ya Mungu. Dieu est capable de tout faire. Mungu anaweza kufanya yote. Et Pierre a jeté cela. Na Mungu Pierre a jeté. Wakati Pierre a jeté. La Bible dit, il a pêché beaucoup. Biblia nasema. Alibeba masamaki ba mingi. Quand il a pêché. Wakati alibloba. Il a appelé ses frères. Alita banduku yake. Il a appelé Jacques. Armuita Yakobo. Il a appelé Jean. Armuita Yohano. Jean. Jacques, venez. Yakobo, un véritable enfant de Dieu béni. Wakati mtoto wa Mungu amekuwa na baraka. Ses frères et ses sœurs. Yako naita banduku yake na madada yake. Mais aujourd'hui dans le message. Sasa nini tunaona leo mujumbe. Les sœurs et les frères cherchent le travail. Banduku na madada wana tafuta makazi. Quelqu'un a le moyen avec le travail. Mumoja, on va chercher le paya. C'est ça la famille que Dieu nous a donné à Cambon. C'est ça la famille que Dieu nous a donné à Cambon. Alors c'est les gens que tu vois, ce sont ces gens avec qui nous irons au ciel. C'est ça. Joël. C'est la vérité. Nikweli. Et le temps maintenant d'honorer Mardoché était Zed. Na wakati ya kuheshimisha Mardoshe ilifika. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amibariki mobote. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu amibariki wote. Le temps d'honorer Mardoshe. Wakati ya kuheshimisha Mardoshe ilifika. Rien n'est impossible à Dieu. Ndugu hakuna kile kinashindikana kwa Mungu. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna cha kushindikana kwa Mungu. Tu es capable de changer ton statut. Soyons seulement des gens de bien. Tout et tout, tout bien. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu terrible. Il est différent des dieux de dénomination. Notre Dieu est différent de Dieu des catholiques. Notre Dieu est différent de Dieu des musulmans. C'est vrai. C'est la vérité. L'impossibilité à Dieu n'existe pas. Est-ce que tu crois cela? L'impossibilité à Dieu n'existe pas. Ushindikana mbele ya Mungu akikala kieko. Jamais et jamais. Kamwe na kamwe. Toi qui peux échouer. Wewe unaweza kushindwa. Dieu n'a jamais échoué. Mungu hayashindwa kamwe. Rien n'est impossible. Hakuna kile kinashindikana. À Dieu. Kwa Mungu. Et Dieu nous a donné la foi. Na Mungu atupatia imani. Il n'y a rien que Dieu nous a donné sur la terre pour s'approcher de lui qui est la foi. Mais pourquoi tu dois croire quand tu t'approches à Dieu? Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Et nous avons expliqué qu'est-ce que ça signifie. Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dieu existe, c'est en connexion avec la crainte de l'éternel. Partout tu es, tu dois comprendre que Dieu existe. Et tu vas t'éloigner, tu dois t'éloigner. Non, on n'a pas chacun d'embarre. Du mal. Na Boubaï. Le passé peut être là. Pasteur, le passé peut être là. Pasteur, le diable peut être là ou pas. Mais tu sais que Dieu existe pas. La kiné on a juste mungu quoi qu'on fasse yote. Et c'est lui qui t'a appelé. Na niya rupit. Et qu'il est le rémunérateur. Na ekole qu'on a lipa. Et ce qu'il le cherche. C'est en connexion avec le service que vous rendez à Dieu. Tout ce que tu fais dans son église, Dieu sûrement te récompensera. Et le temps pour m'adosser est venu. Quand le temps vient, même le diable s'éteint. Ndoku. Quand le temps de Dieu arrive, wakati tout ça ya Mungu inafika, pour te consoler, Dieu kufariji, même les démons s'éteignent. Ata ma demona yote nafunga kinyo. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi nous on ne croit pas que banawezu kuniloka. Njoka mwana shatu amine sema umpe mansosole. Jamais. Akamwe. Dama foi ça n'existe pas. Mwimani yangu ikalaki mwili. Jamais. Kamwe. Jamais. Dans ma foi, ça n'existe pas. Kamwe, ndani ya imani. Et vous savez, Jésus a dit, na munaona Yesu alisema, c'est que tu crois que c'est qui t'arrive. Kile unaamini ndio kitakufikia. Si tu, tu crois que les sorciers, il y a les sorciers peuvent m'en sorcier. Kamwe, unaamini tu oui, c'est là loka. Mais nous, nous ne croyons pas cela. Ça ne m'arrivera jamais. Donc comment a été nifikiaka kamwe? Jamais. Kamwe. Je ne pense pas même pas à cela. S'il y a des sorciers, ça ne m'engage pas. Moi, c'est que je sais, je suis dans la main de Dieu. Et celui qui est dans la main de Dieu, il n'y a personne qui peut l'arracher. Ce qui m'intéresse, c'est être dans la main de Dieu. Dans l'obéissance à ta parole. Et le temps de récompenser Mardoché. Il y a Kulipa Mardoché. Et venu. Il est fixé. Cet homme ici était un homme de bien. Alors quoi, il est un homme. Et le vendredi, nous avons dit, le Mukassan Turisema, il ne faut pas s'associer avec les malices, c'est les gens pleins de malices. Quand tu vois que c'est un tel frère ou une telle frère, tu es plein de malices. Éloigne-toi d'elle. Les mauvaises actions corrompent les bonnes œuvres. Matendo mubaya nika yako naribisha matendo mzuri. Je ne peux pas m'associer avec une pique. Michoezi kuambatana na msharati. J'ai toujours dit à mes enfants. Ninaambiaka watoto wangu. Mes jeunes sœurs, mes enfants. Ma watoto wangu wa biana babinti. Si je te vois seulement avec un homme qui ne croit pas à la parole de Dieu, je vais te chasser. Tu vas aller chercher un autre père. Comment un enfant de Dieu peut s'associer avec une païenne? J'ai mon toto amour, t'as vu ça comme moja na bapaga. Ce qui se ressemble, ça semble. Bah, Les enfants de Dieu se consolent eux-mêmes par la parole. Ya mungo, ya farijibo, benye, kupitia, neno. Mais quand toi tu fais l'amitié avec quelqu'un qui ne croit pas, ça, comme on a fait, na ule, vous exercez sur quoi? Sur les mauvaises choses. Il y a bitu bibaye. Nous, chez nous nourrissons toujours sur la parole. On se ressemble. On se retrouve là-bas. On se console. Celui avec qui vous marchez, vous consolez comment? Un enfant de Dieu doit se retrouver toujours avec les enfants. Jésus en service. Notre affaire avec les païens, c'est limite là-bas. Je m'intéresse aux frères et sœurs. Dans le Seigneur, frère. Ton amuntu a voulu mouiji. Il est pas un voleur. Quand il marche avec les voleurs, il devient aussi voleur. Muntu a choukwe ndumba. Un homme qui est prostitué. Il a commencé à marcher avec les voleurs. Il devient prostitué. Nous avons vu ça, frère. Nous avons vu ça, c'est là, mon frère. Je vous ai dit que je suis un professeur. J'ai beaucoup travaillé dans l'État. Je connais comment les jeunes filles sont déplorées. Et aujourd'hui, c'est une honte. Et à ma peine de t'oublier pas. Et on ne veut pas qu'on t'oublie la mouvouille de ça. Nous prêcherons avec la dernière énergie. De la parole. Ni, parce que c'est une énergie, c'est une énergie. Nous prêcherons avec l'énergie. C'est la mouvouille de ça. Avec beaucoup d'énergie. On n'a pas pour qui tu es. Vu qu'on n'a pas pour qui tu es. Voilà pourquoi mon qui tu es, je les suis même dans les bars. Vu qu'on n'a pas pour qui tu es. Je les suis même dans les bars. Dieu m'a donné la charge. Munga dipatia buzito. Mungu na bika wewe je kuambia vérité. Si tu maintenant vous ne sambisha te détruit parce que tu pas dit la vérité. Dieu va je le suis même dans les bras. Vraiment, si la parole nous permettait. Akika si kama neno tusurusu. Tu l'étais ma docteur. Qu'on amène des docteurs. Mukanisa dans l'église. Dehors c'est le matin. Ma docteur mou. Allez, chaque jeune fille le docteur. Qui l'a binti face ici. Si tu ne t'as pas coupé taille. On allait avoir honte. Moi j'habite la ville. Laissez ces détails. Vous décevez, vous décevez aussi. Vivez correctement. Vous et Dieu vous honorera. Na Mungu atemishimi. Dieu honore celui qui l'honore. Mungu anashimisha yule anamheshimia. C'est vrai. Ndio bien quoi. Lève à ma peine de t'oublier par ici. Aujourd'hui on ne veut pas qu'on prêche. Nous allons prêcher avec force. Tout à oublier na nguvu yote. Oui. Ndio. C'est la vérité. Ni kweli. C'est la vérité. Ni kweli. Nous devons prêcher sur ça. Tu n'as pas kubiri yule ya ile. Oh, mais qu'on insiste. Oui, on insiste. Ndio tu unaweka mkao. Neno la Mungu inasema mwanamke aende na parole de Dieu. Il faut que une femme aille avec sa vérité au mariage. Et toi tu veux qu'on reste calme. Nous voulons les femmes de bien et les hommes de bien. Tu napenda wanawake bema na wanaume bema. Nous voulons les voir. Pour la peine de tout baonner. L'église. Ndoku kanisa. Mungu nous a donné toutes choses. Dieu a tout passé à bitu biote. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la paix. Et tout passé à bitu biote et bitasaïdia koutawa na kou maïsha. C'est vrai. Dio. Dieu nous a donné ça. Mungu a tout passé à bitu. Tout. Biote. Nous avons toute la parole. Tout qu'on a né noyote. Même sur l'abeillement. Les dénominationnels ne parlent pas de ça. Mais nous insistons. Mais nous insistons puisque c'est une partie de la parole. On insiste. Ici chez vous, vous êtes bien. Dans les pays anglophones. Vous voyez l'esprit qui dirige les pays anglophones. Mabusharati. Mampombe. c'est la prostitution et la bière. Un papa là. Donc on a vu papa, baba moi, un grand. Pantalon, il s'habille, un pantalon taille basse. Mon frère. Tout le dos est dehors. Dieu n'est pas dans la civilisation. Mon wanasiye dans mon endele. Mon wakondanya neno yaki. Dieu n'est pas dans la civilisation. Mon wana mon kizungu. Aujourd'hui dans les messages. Vous voyez même des frères. Namuna ona tabanduku na bata. Qui commence maintenant à imiter le monde. Banasa kufatirisha dunia. Dieu n'est pas dans le monde. Dieu n'est pas dans la civilisation. La parole dit, celui qui aime le monde, c'est ennemi de Dieu lui-même. Quand tu vis dans la mondanité, tu te fais toi-même ennemi de Dieu. Il va parler du bien de toi. Nous habillons correctement selon la parole. C'est correct, frère. C'est vrai, ma sœur. On doit, quand tu nous regardes, c'est la parole. C'est la parole. Puisque Jésus vient prendre l'église épouse. Et l'église parole, épouse parole. Donc, quand on te regarde, on voit la parole en toi. C'est vrai. Nikweli. Mais aujourd'hui, les gens sont emportés par le monde. Ça, l'est au bateau qui vient de couper. Donc, c'est nous qui sommes les saints. Nichenye tu batakatif. C'est nous qui sommes les saints à Kambo. Nichenye tu batakatif au Kambo. Si tu veux voir les saints, comment on appelle d'accord les batakatif? Voici, cher. Dieu n'a pas fait une erreur pour t'appeler toi. Moi, je fais une course en Jacuita. Dieu ne peut pas faire une erreur pour t'envoyer le message. Je voulais taire Ujumbe. Jamais. Kamwe. Dieu n'a jamais fait une erreur. Mungu ayafanya kankosa. Pour te choisir et te envoyer ce message. Dieu kuchakula kutupia kutumia ujumbe. Pour te donner sa volonté. Dieu kupatia mapenzi yake. La volonté de Dieu c'est un mystère. Dieu mapenzi ya Mungu ni siri. Ce n'est pas tout le monde qui est censé accroire ce message. Ina bote wanaweza kuamini ujumbe. Hii ujumbe ni ya bateu. Alors toi tu viens, tu commences à jouer, unaanza kucheza mu. Quoi? Nduku. Nous devons apparaître la parole. Tu n'as pas chacun aucun atout nénu. Atabitu binapanda Dieu. Même si les choses deviennent comment. Même si ça t'a changé les choses n'importe comment. Nous devons rester dans la parole. Tu n'as pas chacun qui est dans nénu. Dans la parole. Dans nénu. Même si les choses. Atabitu. Deviennent dire comme ça. Binakwa biangufu je. Même si kambo change. Ata kambo vyote na badiri. Un enfant de Dieu ne changera jamais. Mtoto wa Mungu ya tabadili katano. Même si aujourd'hui je quitte. Ata leo na toka. Je vais à Kolwezi. Natoka mkambo vina Kolwezi. Un enfant de Dieu restera un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu atabaki hapa kama mtoto wa Mungu. Ndiye kishanje na enfant de Dieu. Aina fazi naenda kuishi ndio tabadilika mtoto wa Mungu. Il a une semence là-dedans. Eko na mbeko ndani yake. Et la profondeur à faire la profondeur. Na upana na itaka upana ingine. C'est ça un enfant de Dieu. Jokie qui est comme tout le monde. Partout il est. Il marche dans la crainte. Et on a tellement mouga. Dieu nous a fait confiance. Mungu adutumani anduku. A nous donner ce message. Mungu tuletai ujumbe. Il n'y a rien que tu as fait. Anakuna kile urufanya. Il n'y a rien. Akuna. Il faut seulement louer Dieu. Na fai tukusifu Mungu. Fai bon louer Dieu. Donc na fai kusifu Mungu. Et non. Le temps maintenant d'élever, d'honorer Mardoché. Wakati sasa kumuinua Mardoché fika. Frère, Nduku, quand Dieu se souvient de toi, wakati tu Mungu anakukumbuka, bintu bina change. Les choses changent. Bintu bina change. Les choses changent. Frère, Nduku, elle va se demander. Na mfumo alikuwa anajiuliza. Il a apporté le livre des Amara. Ase mulete le kitabu ya kumbusho. Et on lit. Branza kusoma. Frère, bantu wa mimi un message hakuna pa kuwakumbuki. Nduku, beaucoup déjà dans le message, il n'y a rien sur lequel on peut se souvenir de. Hakuna. Il n'y en a pas. Mon frère, lisez ici. Nduku yangu soma mbele hapo. Lisez ici. Soma hapo. Lisez ma sœur. Soma dada yangu hapo. Lisez ici. Soma hapo. Lisez d'abord ici. Soma hapo. Bien aimé, lisez ici. Mapenda soma hapo. Il n'y a rien. Hapana kitu. Mungu atakukumbukia pani. Dieu va se souvenir de toi sur quoi? Kama unakuwa mu détresse, Mungu atakukumbuka. Si tu es en détresse, sur quoi Dieu va te souvenir de toi? Pasteur. Lisez d'abord ici. Lisez, Moussoumi. Frère, Ndoukou, il faut faire tout pour attirer la faveur de Dieu. Il n'a fait pas eu de Dieu, vous t'a fait d'amour. Quand tu obéis à la parole, wakati unatiku neno, tu attires la faveur de Dieu. Ukuna vuta faida ya Mungu. Quand tu te donnes, tu te sacrifies pour l'avancement du royaume. Wakati unajitoa njoo maendeleo ya ufalme. Tu attires la faveur de Dieu. Ukuna vuta faida ya Mungu. Wakati unaria, quand tu pleures, quand Dieu regarde, wakati Mungu anaangalia. Si cet homme, c'est un homme de bien. Asiwe mtu mtu mwema. Je vais me souvenir de lui. Mitamkumbuka. Et Dieu s'est souvenu de Mardoché. Na Mungu alimkumbuka Mardoché. Frère, Nduku, on a demandé qu'est-ce que vous avez fait de distinction. Bariuli c'est ni alama kani ya heshima unumfanya kwa Mardoché. Distinction c'est quelque chose qui est différent des autres. Quand on dit la distinction, quand on dit il a distingué à l'école, ça veut dire il est au top. Donc, quelque chose, hein, comment est-ce que vous traduisez ça en français? Distinction, c'est la différence. Hein? Distinction, c'est la différence. Donc, qui est-ce qu'il y a à Kwachana, qu'est-ce que vous avez fait à cet homme qui différencie des autres? Dieu a dit, Dieu a caché à l'histoire. Pourquoi? Pour l'œuvre qu'il a accompli. On a voulu faire quelque chose. Une chose de bien aujourd'hui dans l'église. Et tu as déjà même oublié des années, des années. Mais Dieu n'a jamais oublié, Dieu n'oublie jamais. Il viendra et tu viendras de la bonne chose que tu avais faite. Qu'est-ce que vous avez fait? On nous fait un canis. Il y a Kizuri. D'honneur. Il y a Ishima. Quelque chose d'honneur. Qu'est-ce que vous avez fait? D'honneur. À Mardoché pour ce qu'il avait fait. Qui tout quand il est chimam nous fait chaque Mardoché une vie habile à refanyak. Mon wa kukumbu ke kwata ku kitu kimoya kizuri cha kumpa. Que Dieu se souvienne de toi pour la bonne chemin que tu avais fait dans cette église. Mon wa kukumbu ke koleo. Que Dieu te souvienne de toi aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de toi. Mon wa kukumbu ke koleo. Kwata kimoya. Une chose seulement. Mon wa kukumbu ke koleo. Que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui. A kukumbu ke kitu kimoya. Que Dieu se souvienne de toi sur une chose que tu as fait. Il avait fait seulement une chose. J'ai déjà fait quoi? Sur la chose qu'il avait faite. Il dit rien. Les serviteurs ont répondu rien. Frère, Ndoukou, pendant qu'il parle là-bas, Aman est venu. Quand tu es béni, wakati kumwenye kubarikiwa, les démons aussi s'approchent. Ma démon a eu na karibie. C'est pourquoi quand tu es béni, Jokomana, wakati unabarikiwa, il faut se rapprocher de Dieu. Il n'a fait tena kumkaribia Mungu. Pendant qu'il est là, wakati on peine à l'honorer. On a peine à kumheshimisha. Amani a kufanya kimusalaba njuba kamupande. Amani a fait une fois afin qu'on aille le prendre. Toutes les mauvaises pensées que tu as sur ta sœur, ton frère, tombera sur toi-même. Il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Ah, il faut écouter nos mauvaises mubai. Car Dieu voit même les mauvaises pensées. Mungu on a nos mauvaises mubai. En Afrique, là-bas. Il arrive là-bas. On voit seulement dans le coucou. Qui est là? Qui est là? Nani coucou? Aman. Le roi de Aman vient. Vous faites ma sema Aman kuja. Écoute. Chiki. Quelqu'un. Muntu. Avec ça, naïve. Qu'est-ce que nous devons faire pour cet homme? Ni tu n'as pas chaque fois un Dieu à monter à ville. Écoutez Aman. Mushiki Aman. Où les montes il faut couper par chapeau à roi. Cet homme n'a à roi. La couronne du roi. N'a comme ça par roi. Moi de comme tembe. Je le crasse sur un anneau et de le faire dans tout en bove afin de pouvoir l'honorer. À la fin il a dit, il n'y a personne. Cet homme-là, il n'y a personne que moi. Asema, ule mtu wewe unasema kuna mwingine isipokuwa tu paka mimi. Esprit ya bintu kukuia tu mzuri paka wewe ni sababu. Aina ya bintu ndio mambo kwa toa. Ce n'est pas un bon esprit. Ni esprit mubaya. C'est un faux esprit. Ya amane. Et l'esprit faux esprit de Aman. Dada na voilà. Elle va voir la bien. La sœur s'habille bien. Il est qui kwemba wakumshonee bien. Et c'est pas on a pas bien cousu. Donc wewe ndio unavala bien. Donc c'est toi qui s'habille toujours bien. Il a un esprit musulman. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Les enfants de Dieu glorifient aussi les autres. Les moyens aussi d'être bénis, c'est bénir les autres. Mais quand on a de voir du bien dans les enfants de Dieu, Dieu voit ses souvenirs aussi de toi. Mais si tu as cette habitude de voir de moi toujours dans les gens, Dieu a ta kufuruka. Il n'y a personne d'autre. Complet, récompensé. Oui, on a osé couler pas. Sauf, je peux quoi tout? Aman. Mi aman. Le roi a dit tout. Mon frère, c'est moi qui l'a kimi. On va honorer Aman et Mardoché. Tout à moi, Shimisha. On va où je pars? Oui, wagati mi kuna sem. Tout ce que tu as dit. Il est autorisé sem. Ne retranche rien. Ushitoche moi ta kidogo. Ushipunguze mo. Ne retranche rien. Ushipunguze mo. Laisse Mardoché. Oui, fanye pa kwa Mardoché. Nous tu arrives quoi garde. Un homme qui était garde seulement, Mchunga. Au dernière minute. À la dernière minute. Il est honoré. Bana mweshimia. Au dernière minute nous à la dernière minute. Tout a chimichoua. Garde la rudire tout du Seigneur. Wakati bona siku sa tarudia. Nous serons honorés. Tout a chima, tout a chimiwa. C'est la vérité frère. Ni kwa linduku. Quand le Seigneur viendra. Wakati bona takuji. Frère. Cette humiliation. Il a changé. Ça va changer. Humiliation. Ce corps d'humiliation. Il a changé. Ont changé. Nous allons nous vêtir. Tout à fait. Le corps de gloire. Oui, il y a où tu couches. Le corps glorifié. Oui, il y a où tu couches. Duku. Il aura les démarches. Tout à quoi vous t'aimez. Il aura les marches. Tout à quoi animal. Vous pouvez vous faire. T'aimez. Faire. Duku. Dieu va appeler. Mouataït. Lâche. Kizazi. Le premier âge. Kizazi de quoi? Dans la Paulo. Son prophète. Bakoui. Son prophète. Vous n'avez pas vu. Frère. Duku. Agi à Paul et Napitaka. Ah, Kizazi qui a Paul qui ça passe. On va appeler maintenant. Bataïta tena. On va appeler. Bataïta. L'âge de la Odyssée. Kizazi de la Odyssée. L'âge de la Odyssée. Kizazi de la Odyssée. Kambou est là aussi. Kambou est là aussi. L'âge de la Odyssée. Kizazi de la Odyssée. On voit tellement Branham là-bas. Bah, on a tout Branham et vous moi. On appelle l'âge de la Odyssée. Tu vas Kizazi de la Odyssée. On voit maintenant l'église de Cambon. Bah, on a fait Kizazi de Cambon. On voit les saints de Cambon. On a fait Kizazi de Cambon. Gaïs devant. Daïna de Cambon. Les saints de Cambon. Et tout le monde de Cambon. La canisse aïe haute poule. Ça sera terrible. Il y a quoi n'y a tari. Ne manquez pas ces jours-là. Je suis au singe. Je suis au croyant des hommes de bien. Vous pouvez battre mes mains. Et c'est les saints de Cambon. Vous pouvez qu'il y ait un tari. Nous soyons ces jours-là là-bas. C'est ça frère. Qui va chanter? Mon frère, ce n'est pas toi qui va chanter. Nani taimba? Ana wewe utaimba le shiku. Il y aura les anges. Utakuwa ba malaika. Wewe watapika mangoma. Ils vont taper les tambours. Ils vont. On voit seulement les saints de Cambo. Attends, toi tu vas tifler Cambo. Les saints de Cambo, vous l'avez. Tu vas tifler Cambo. Qui chante? On va le faire. Avec joie. Akura. Il dira toujours. On est. Eshima. Gloire. Utukufuwa. Puissance. Ouais. Et bien à notre Seigneur Jésus. Voilà, ouais, Jésus-Christ. Ça sera terrible. Il t'a poigné à tard. Ça sera terrible. Il t'a poigné à tard. Tous les corps qui sont infirmes là. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Frère, il n'y aura pas ce sort. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez bien. Vous avez là des corps glorifiés. Duku. Toutes ces choses seront nous serons des jeunes frères. Frère, nous allons chanter là-bas. Mouvement. Ça sera terrible. D'être avec notre Seigneur. Quelle consolation frère. Nous souffrons. Nous avons on nous souffert dans ce corps. On nous laïe. On nous persécute. Seigneur. One. Seigneur. De bientôt nous t'attendons. C'est ça. Joël. Frère. Nduku. Dieu va nous récompenser. Mungu atetuli pas. Souffrez pour l'évangile. Mutesse Dieu à cause ya Mungu. Soyez persécutés pour l'évangile. Vous te sais qu'un Dieu a quasi à mon. Comptez jury. Bah, tu as moulé. Mais ta gloire sera grande. La qui est tout fait à quoi tu as quoi à mon couboua. Sera grande. Il t'a quoi mon couboua. Sera grande. Il t'a quoi mon néné. Et on a honoré Mardoché. On a commencé à circuler partout Kambo. On a commencé à chanter. Mardoché. Tous les crevasses de Mardoché terminent. Dieu est terrible. Si Dieu veut t'enlever là-bas, si Dieu veut t'enlever, même tes ennemis se soutiennent. C'est bien, frère. Vous chantez, il est le roi Jésus-Christ est mon frère, mon frère. Même les maladies s'abaissent. Attends, ma gauche, il a chouka. Les démons s'abaissent. Ma démon est chouka. C'est ce que vous chantez, non? Les démons s'abaissent. Les maladies s'abaissent. Ma gauche, on a chouka. Amen. Amen. Ce jour-là, il est chouk. C'est abaissé. Arishuka. Il s'est abaissé. Quand Dieu lève, wakati Mungu anainua, les démons s'abaissent. Ma démon est chouka. C'est ça. Joy. Voilà un enfant de Dieu. Tazama sasa mtoto wa Mungu. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, ile yote unafanya nyumba ya Mungu, attirera la faveur de Dieu. Itavuta faida ya Mungu. C'est pourquoi il ne faut jamais être un homme plein de malice. Je commande il faut que mon tout égoutchana buchanja mukanisa. Tu es dans l'église? Tu vois seulement les horreurs. On n'a pas comment cause. Jamais et jamais. Kamwe. Jamais. Kamwe. Un enfant de Dieu. Toto wa Mungu. C'est quelqu'un quand il voit le mal. Ni mtu wakati anaona kubaya. Anaenda kumagochi. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa ile? Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa ile? La médisance dans la bouche d'un croyant n'existe pas. Kusingiziana mkinyo ya muaminifu haikala cheko. La calomnie dans la bouche d'un croyant n'existe pas. Kusemeana bibaya mkinyo ya muaminifu haikala cheko. Nous devons être des hommes de bien. Chetu napasha kwa batu. Pour attirer le faveur de Dieu. Dieu kuvuta faida ya Mungu. La grande faveur. Na faida munene. Qui doit être sur nous? Il n'a pas choisi lui être. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ni au baptiso et Rome Tagati. Puisque nous attendons le Seigneur. Dieu tourne en gauche à moi. En étant être baptisé du Saint-Esprit. Benyekouya, benyekouatiso et Rome Tagati. Quand quelqu'un est sauvé, wakati muntu wewe kumuyekokolewa, il doit obéir la parole de Dieu. Ana pasha kutii neno ya Mungu. Il attire la faveur de Dieu. Mon âme, c'est mon âme. C'est très important pour l'église. Nani ma foi, kabisa sana njua kani. Et nous savons une chose. Natulajua kitu kimoja. Celui qui a promis. Ula rilak. Est fidèle. Eko mwamini. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Mungu atulaka Roho Mtakatifu. Sûrement, il le fera. Na kika te ifanye. Dieu ne peut pas nous promettre quelque chose. Duku Mungu wewe kutulaka kitu kimoja. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de faux. Ni kusema ku kitu kimoja kya bongo ndani yetu. Dieu promet quelque chose, sûrement, il le fera. Wakati Mungu ananaka kitu kimoja, hakika iko na kifanye. C'est vrai. Ni kweli. Attendez que je lise quelque chose. Nifunge ni some kitu kimoja hapa. Et nous tendons à la fin. Na tukune ndani kumwisho. Écoutez. Mushiki. C'est frère Branham qui dit. Vous croyez que Dieu s'en occupe de tout? Écoutez les souhaits de frère Branham. Mushiki ni ya ndugu Branham. Dans le message Apocalypse chapitre 4 numéro 1. Mujumbe funulo sura ine mstari kwanza. Namba kwanza. De 1960. Ya 1960. Du 31 décembre. Muma 31 mwezi wa 12. Nukta 15. Je demande à l'église ceci. Ninalomba kanisa hivi. Est-ce que vous croyez que Dieu s'occupe de nous en toutes choses? Eti mnaambia sema Mungu anatuangalia vitu vyote? Je répète. Mina rudia. Est-ce que vous croyez que Dieu? Eti mnaambia sema Mungu de nous en toutes choses? Yeye anatuangalia vitu vyote? Je te bénisse. Mungu amibariki. Écoutez maintenant. Mushikie sasa. Maintenant. Sasa. J'aimerais dire ceci. Milipenda kusema hivi. Avant de commencer. Mbele ya mikwanza. Je souhaite à chacun l'année nouvelle fructueuse. Mina taka mwaka mpya kwa kila mtu. La plus bénie. Mungu mbule kubarikiwa. La plus bénie. Ah, ya kubarikiwa sana. Et de bonne santé que je puisse vous souhaiter. Na ya afya njema niweze kumtakia. Que Dieu soit avec vous. Mungu apate kwa pamoja na mwe. Puissiez-vous prospérer à la fois? Vous pouvez kuendelea à muimani? Apana. Vous pouvez prospérer à la fois? Mara moja? Ah, ok. À la fois? Vous pouvez kuendelea à mara moja? Il est numéro maintenant. Puissiez-vous prospérer? Ya kwanza. Spirituellement. Mukiro. spirituellement. Est-ce que vous voulez prospérer spirituellement? Est-ce que tu as prospéré toujours? Moi, si il était dans la justification, il avance dans la sanctification. Il avance dans le baptême du Seigneur. Et prospérer spirituellement. C'est ça. Joy. Deuxièmement, Yapil. Puissiez-vous prospérer physiquement? Quand on parle de physiquement ici, hein, on voit la santé. Physique ici c'est la santé. Nous voulons que vous prospérez physiquement. Ayez la bonne santé. C'est mon frère. Dieu ne se soucie pas seulement de nous. De spirituel. C'est pourquoi il est Jéhovah Rapha. Mais Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est vrai. Je ne te limite pas seulement ça. Et puis vous prospérez financièrement et matériellement. Dans trois choses. Dieu veut que nous prospérons spirituellement. Deuxièmement, physiquement, c'est la santé. Troisièmement, financièrement et matériellement. Le micro ici que j'utilise, spirituel. C'est matériel. Ça demande de l'argent. Les bâtiments que vous êtes en train de faire, Dieu doit vous bénir financièrement pour supporter l'œuvre de Dieu. C'est ça, frère. Dieu doit faire cela. Mungu anapasha kufanya vile. Et Dieu ne se limite pas seulement sur le spirituel. Dieu doit intervenir. Mungu anapasha kuingia tena. Tu dois attirer la faveur de Dieu dans ces trois choses ici. Et Dieu est obligé de se souvenir de toi dans toutes choses. Mungu anapasha kukumbuka mbele vitu vyote. Lisons la dernière écriture. Tusome andiko ya mwisho. Dans 3 Jean. Chapitre 1. Écoutez, Dieu ne se limite pas seulement sur les spirituels. 3 Jean chapitre 1. Verset 1 à 2. Écoutez. 3 Jean. Chapitre 1. C'est un chapitre seulement. Écoutez. L'ancien Agéus, le bien-aimé. Que j'aime dans la vérité. Ageus ule mupendo mina penda ndani ya ukweli. Est-ce que vous entendez cela? Eti mnashikia ile? L'ancien, mettez votre nom ici. Muse, mweke njine ma soeur, mettez votre nom. Sœur. Dad. Sœur. Dada. Ah, Esther. Esther. Bien-aimé dans le Seigneur à Kambo. Mupendo ndani ya Bwana mukambo. Ndai, l'ancien. Ndai, berger, agent. Mettez ça. Weke yon awe fali. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Mupendo lo minapenda ndani ya ukweli. Les bien-aimés sont uniquement dans la vérité. Mapendo biopaka katika ukweli. Est-ce que l'église comprend cela? Kanisa naelewa hiyo. Dans les fausses doctrines, il n'y a pas les bien-aimés. Mumafundisho ya bongo hamuna mapendo. Non, pas mapendo. Les bien-aimés. Les bien-aimés, dire tout qu'on a été dans bien. Comment on a fait bien-aimé? C'est là le Jésus dans la vérité. Nous sommes comme un dernier katika ukweli. Quand je vous appelle, bien-aimé, prenez. C'est là le Jésus, vous êtes dans la vérité. En dehors de la vérité, il n'y a pas de bien-aimé. Nous sommes inji ya ukweli, amuna mapendwa. Tu comprends ma sœur, hein? En dehors de la vérité, il n'y a pas de bien-aimé. Inji ya ukweli, amuna mapendwa. Les bien-aimés sont dans la vérité. Mapendo bien mpaka katika ukweli. Bien-aimé. Mapendwa. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Mupendo, mina ptaka upate kuendelea kuku. Mina penda uendelee munamna yoyote. Aibana mkitu kimoja. Amen. A tout égard. Mubitu vyote. Et sois en bonne santé. Na upate kuwa mwafya njema. Comme prospère l'état de ton âme. Bile hali ya nafsi yako kuendelea. Comme prospère l'état de ton âme. Bile hali ya nafsi yako kuendelea. Mungu anapenda ukuwe na santé mzuri. Dieu veut que tu puisses avoir la bonne santé. Pasteur, à tout peine tout vilo qu'on a prospéré. Nous ne voulons pas que tu fruits la santé. Nous voulons aussi que ta santé prospère. Et tu as besoin de notre santé. Pour bien le servir. Que Dieu vous donne une bonne santé. Mungu amepatia afya njema. Que Dieu vous donne une bonne santé. Mungu amepatia afya njema. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki kwa utele. Prospérez spirituellement. Uendelee mkiroho. physiquement. Vous qui mouillez la bonne santé. C'est ça. Join. Dieu ne se limite pas comme ça. Il nous fait prospérer à tout égard. C'est ça. Join. Et quand vous lisez Deutéronome, l'État nous presse Deutéronome. Deutéronome 28, on s'arrête là-bas. Deutéronome 28. Écoutez. Deutéronome 28. Écoutez. Mushiki. On lit rapidement. Les versets 7. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par une seule chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin-là. C'est une promesse. Quand quelqu'un vient te combattre, Dieu lui-même doit te donner sa victoire. Il doit vaincre. C'est vrai. J'attaque un enfant de Dieu. Dieu doit intervenir. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Mon frère, toi qui n'as pas un travail, Dieu ce matin, doit ordonner à la bénédiction d'être avec toi. C'est vrai. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. C'est vrai. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Ils te craindront. Ils te craindront. L'Éternel fera de sorte que les gens de Kambo te craignent. C'est vrai. C'est vrai. Dieu se soucie de nous, de toutes choses. L'Éternel te comblera des biens. Atakujaza na bizuri. Te comblera des biens, ce n'est pas spirituel. Atakujaza na mabintu na mkiwa matériel. Ce sont les matériels. Nibitu ya kimwili. Nibitu ya matériel. Nibitu ya kopia mwili. Asijilimite tu kwa kitu kimoja. Dieu ne se limite pas une seule chose. Nous ne sommes pas comme des pentecôtistes. Chato na tout ça ba kipense. Pentecôtistes c'est mauvais qu'on ngambo moya paka matériel. Ba kipense na kopaka ils sont toujours nous, Dieu nous a balancé. Dieu nous a balancé. Bien spirituel tout quoi quoi. Eh, bonne santé tout quoi. La bonne santé là. Le matériel tout quoi. Le matériel tout quoi. C'est ça, frère. L'Éternel te comblera des biens, mais tu as les fruits de tes enfants, et les troupeaux et les fruits de ton sol. Dans les pays que l'Éternel agirait à tes pères, de te les donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Que Dieu bénisse le travail de tes mains. Que Dieu te console dans tout ce que tu fais. C'est vrai. Amen. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Ni ma promesse, tu n'as pas à y vivre. Les promesses, nous devons les expérimenter dans ce corps. Ce ne sont pas pour les pentecôtistes. C'est pour les élus. Ils obéissent à la parole. Par le pratique ou neno. Tu vois. On a on a. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête. L'Éternel fera de toi la tête. Et non la queue. Tu seras toujours en haut. Non en bas. Et que vous comprenez cela. Si vous vendez seulement les beignets, vous êtes assis là. Tous ces païens avec qui vous avez. Il souffre. Cet homme, il a la sorcellerie ou quoi? Nous sommes sorciers, oui. Nous sommes tous. On ne refuse pas. Donne-moi la sorcellerie. Notre sorcellerie est là. Notre sorcellerie, c'est la parole. Si tu cherches notre sorcellerie, c'est la parole. Notre sorcellerie, ni neno. C'est ta frère. Ninjo et l'endou. Dieu nous a fait des têtes. Dieu doit nous consoler dans toutes choses. Restez en paix. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Que Dieu vous bénisse. Que toutes les bénédictions réservées à Jérusalem puissent aussi être avec vous. Il faut que vous si Dieu est tardé, comme on se reverra. Tout à onan. S'il vient aujourd'hui, comme on a couillé Léo, rendez-vous là-bas. Tout à coutan à couler. Rendez-vous là-bas. Tout à coutan à couler. De l'agneau. Et là, on est la couille. On a coulé avec ta poignée. C'est ma sœur de Cambove. Et du Zadam au Cambove. Oh, ma James, c'est de la zone. Oh, nous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mouvaké Moussalama, Moua Bibarit. Conchante et conchante. Qu'est-ce que je craindrai? Les ténèbres dans le monde. prions, prions tous.